Le professeur pose beaucoup de questions aux étudiants. Oui, il leur en pose beaucoup. Vous donnez souvent des nouvelles à vos parents? Oui, je leur en donne souvent. La babysitter raconte beaucoup d'histoires aux enfants. Oui, elle leur en raconte beaucoup. Vous offrez parfois des fleurs à votre mère? Oui, je lui en offre parfois. Vous parlez souvent de votre pays à vos amis? Oui, je leur en parle souvent.